Le résumé de l'œuvre classique du général Kim Jong-il, Le socialisme coréen axé sur les masses populaires est invincible, a été présenté par le quotidien international de l'Indonésie.